Je ne voulais pas te faire pleurer. C'est moi. Je me rappelle plus comment jouer ça. Thank you. Thank you. Well, I'm all in love. Alors là, un bug là.